Chapitre troisième. Joe Blanquette ne s'était pas ému. « Qu'importe que notre robe ait filé, » dit-il. « Sans doute le retrouverons-nous. Ce n'est pas lui que je recherche, pour le moment. Ce sont des preuves, une preuve de sa culpabilité. Nous allons toujours essayer de savoir qui est l'assassin de l'homme qui est ici, » observa M. Serpier. « S'il ne s'est pas lui-même empoisonné, dans quel but ?»« C'est ce que je me demande. » fit l'anglais. Il faudrait aussi reconnaître son rôle exact dans toute cette histoire. Mais n'embrouillons pas une affaire déjà trop embrouillée. Si nous réussissons à connaître la cause de la mort de cet homme, un grand pas sera fait. Nous avons un document, ce papier. Il n'existe rien d'indéchiffrable, surtout avec les méthodes actuelles. Le cryptogramme le plus compliqué possède une clé et est écrit suivant un système que l'on finit toujours par découvrir. Mais laissons cela pour le moment. Je vais me permettre, monsieur Blanquette, de vous interroger. Cela me paraît indispensable. M'interroger? Oui, au sujet de votre filature. Vous voudrez bien m'indiquer comment vous avez retrouvé cet auto drôle. Je lui conserve ce nom pour la facilité de notre conversation. Car enfin j'imagine que le personnage a essayé de faire perdre sa trace, surtout lorsqu'il a appris par les journaux que le jaguar avait découvert les cadavres de ses victimes. « Pas du tout. Otto Drawl, qui se trouvait à Londres 6 semaines après la découverte, se rendit lui-même à Scotland Yard et protesta véhémentement contre les insinuations parues à son sujet. Il déclara que le matelot Ayo était un mauvais garnement, une forte tête, et que lui, Otto Drawl, avait été obligé de ce concert avec le capitaine de mettre Ayo aux enfers à plusieurs reprises pour insubordination. C'est pourquoi le Canac, avant de mourir, avait voulu se venger. » En racontant une histoire mensongère. Et Otto Drawl expliqua qu'en effet, la Margherita avait relâché à l'îlot Maiden pour faire de l'eau, une circonstance sans intérêt qu'il n'avait pas cru devoir signaler et qui, en effet, n'aurait eu aucune espèce d'importance sans la découverte des cadavres faits par le jaguar. Quant à la blessure d'Ayo, Otto Drawl déclara l'ignorer. Otto Drawl fut arrêté, interrogé et relâché. Il n'y avait aucune preuve contre lui. Ayo, l'unique accusateur, était mort. Rien ne prouvait absolument qu'il eût dit la vérité. Cependant, si les preuves juridiques manquaient, les preuves morales abondaient. Nous sûmes que le prétendu Otto Drawl avait longtemps habité la Polynésie, à Suva, dans les îles Fidji. Il avait laissé de nombreuses dettes. Aux îles Salomon, il avait fait de la prison pour vol. Et, circonstances aggravantes, il avait relâché à plusieurs reprises, quelques mois avant le crime, à l'îlot Maiden, alors qu'il était passager à bord d'une goélette américaine, l'Albatros. Comme je vous l'ai dit, la justice anglaise résolut de surveiller l'individu et de réunir des preuves contre lui. J'ai reçu ordre de ne pas perdre Otto Drawl de vue, afin de pouvoir lui mettre la main au collet dès que sa culpabilité serait prouvée. Je le suivis, je le filai, mais je ne pus rien trouver contre lui, et deux de mes hommes disparurent. Je faillis à plusieurs reprises être tué, mais aucun résultat. Et maintenant, mon homme s'est volatilisé. Mon aide, le détective Harrison, a reçu l'ordre de ne pas le perdre de vue. Mais Harrison vit-il encore seulement? Moi-même, j'ai eu à différentes reprises aujourd'hui la sensation que j'étais suivi par plusieurs personnages différents. Joe Blanquette se tut. Monsieur Serpier ne répondit pas tout de suite. « Qu'en pensez-vous, Bougenet ? » demanda-t-il enfin en se tournant vers son secrétaire. Si M. Blanquette pouvait avoir une entrevue avec le détective Harrison, peut-être serions-nous renseignés. En tout cas, l'autopsie du corps qui est là et le déchiffrage du grimoire que nous avons trouvé sur lui nous fourniront peut-être d'utiles indices. Mettons les choses au point, conclut M. Serpier. Tout d'abord, M. Blanquette, vous allez déposer votre plainte contre inconnu au sujet de la disparition de vos deux détectives. Cela nous donnera la possibilité d'agir. De mon côté, je vais établir mon rapport tant au sujet de vos déclarations que vous aurez à répéter au juge d'instruction, que de la mort de l'individu qui est là et sur qui, n'est-ce pas, vous n'avez aucune espèce de renseignement. Aucun. C'est la première fois que je pense que je vois cet homme. Je vais essayer de prévenir Harrison. Peut-être pourra-t-il nous fournir quelque indice. C'est cela. Et je vais m'occuper de faire transporter cet homme à la morgue afin d'autopsie. Et de faire déchiffrer ce papier. Téléphonez-moi ou venez me voir dès que vous aurez quelque chose de nouveau, monsieur Blanquette. Je vais aussi faire interroger le personnel des banques où cet Otto drôle William Grant avait des coffres ou des dépôts. Où habitez-vous présentement? Nulle part. Je change chaque soir d'hôtel. Où allez-vous descendre aujourd'hui? J'ai pensé à l'hôtel du Grand Connétable sur le boulevard des Italiens. Je veux autant que possible ne pas attirer l'attention. Bien. Demain, vous me ferez savoir votre nouveau gîte, bien que j'estime votre précaution enfantine, car si vous êtes suivi, il ne vous servira à rien de changer d'hôtel. Si, car mes ennemis n'auront pas le temps de machiner quelque chose, observa l'Anglais. Ah, cela vous regarde. Et comment correspondez-vous avec vos hommes? Par le moyen du grand journal, aux annonces, quand ce n'est pas pressé. Et trois fois par jour, je me rends dans certains cafés, à des heures fixées d'avance, et où mes hommes peuvent me téléphoner. Une dernière question. À combien évalue-t-on les perles volées à Carl Jacobsen? Oh, on n'a guère de renseignements à ce sujet. J'entends des renseignements précis, mais plusieurs capitaines de navires qui ont vu la collection du vieux Suédois assurent qu'elle vaut plus d'1 million de livres sterling, au moins. Et naturellement, nous avons fait des enquêtes sur les principaux lots de perles fines présentés sur les marchés, des pierres précieuses depuis plusieurs mois. Nous avons ainsi acquis la certitude que les perles de Carl Jacobsen n'avaient pas encore été l'objet d'aucun trafic. Du moins, n'avaient pas été présentées sur le marché. Mais rien ne dit qu'elles n'ont pas été vendues à un négociant plus ou moins scrupuleux, qui attend le moment de les placer sans attirer l'attention, observa M. Serpier. Exact. Eh bien, Monsieur Blanquette, je ne vous retiens plus. Déposez votre plainte et venez me voir ici demain matin, conclut le chef de la sûreté. Le détective britannique s'inclina, deux poignées de main, une à M. Serpier, l'autre à son secrétaire, et il sortit. La porte capitonnée s'était à peine refermée sur lui que le chef de la sûreté, bondissant vers son bureau, saisit le récepteur de l'appareil téléphonique, communiquant avec les différents services de police. Allô? Le bureau des recherches? C'est le chef qui parle. Dites à Korff de suivre un individu qui vient de sortir de mon bureau. Grand, maigre, visage osseux, yeux gris, vêtu d'un complet bleu marine et coiffé d'un melon. Ne pas le perdre de vue et me téléphoner au moment propice. C'est vous, Korff? Vous avez compris? Très bien. Et attention, l'anglais, car c'est un anglais, se plaint lui-même d'être suivi. Observez ses suiveurs s'il y a lieu. Allez! Monsieur Serpier raccrocha l'appareil. Après tout, qui me dit que celui-là, de Blanquette, soit le vrai? Murmura-t-il à l'adresse de son secrétaire. Enfin, nous verrons. Vous allez transporter ce cadavre à l'Institut médico-légal. Cependant, que je ferai mon rapport aux fins d'autopsie. Et nous verrons à faire traduire ce rébus. Déjà 11 heures, dépêchons. Monsieur Bougenet s'empressa. En quelques minutes, toute trace du drame eut disparu. Le corps de l'inconnu, descendu dans une automobile d'ambulance, fut dirigé sur la morgue. Le chef de la sûreté, ayant hâtivement rédigé un rapport sur ce qui venait de se passer, le fit porter au procureur de la République, accompagné du papier portant les bizarres caractères et des menus objets trouvés dans les vêtements du prétendu Joey Blanquette. Un peu avant 6 heures du soir, il reçut un coup de téléphone de l'inspecteur Korff et apprit ainsi que M. Joey Blanquette s'était rendu dans un hôtel des grands boulevards où il était resté pendant toute la journée et où il était encore. Sans doute attendait-il la nuit pour sortir, craignant d'être l'objet de quelque guet-apens. Korff reçut l'ordre de continuer sa filature. Monsieur Octave Serpier, vers 7 heures du soir, quitta le quai des Orfèvres pour regagner son appartement du boulevard Magenta. Il avait à peine fait quelques pas que son secrétaire particulier le rejoignit. Monsieur Bougenet était tête nue, il haletait. Qu'est-ce que c'est? Grommela le chef de la sûreté en se retournant. Ah, patron, quelle affaire? Moins haut, s'il vous plaît, et rentrons, fit Monsieur Serpier, toujours calme. Je vous écoute. Eh bien, patron, c'est l'inspecteur Korff qui vient de téléphoner. Il a suivi Monsieur Joey Blanquette, lequel est sorti de son hôtel il y a une demi-heure. Il a pris un taxi. Korff a pris une voiture, lui aussi. Il a vu le taxi de Joey Blanquette s'arrêter devant la morgue. Joey Blanquette en est descendu et est entré. Korff, qui naturellement avait fait arrêter sa voiture à 100 mètres plus loin, a vu Joey Blanquette ressortir et courir comme un fou vers son taxi. Son taxi? Lequel? Le sien ou celui de Korff? interrompit Monsieur Serpier, qui aimait la précision. Celui de Corfe, patron. Joe et Blanquette en a ouvert la portière et s'est écrié, Venez vite, Monsieur Corfe, on a enlevé le corps de l'homme que vous aviez fait porter ici. Corfe a été tellement suffoqué de s'entendre ainsi interpeller qu'il a machinalement suivi l'anglais. Et c'était vrai, on a enlevé le corps de notre pèlerin, chef. Corfe va venir donner des explications. Il m'a seulement dit que Monsieur Joe et Blanquette l'avait quitté en prétendant qu'il avait une idée et qu'il suivait une piste. Et M. Corfe est venu téléphoner. Il est en route pour nous rejoindre. Bougenet se tut. M. Serpier l'imita. Il ne trouvait rien à dire, ou plutôt, il commençait à se demander s'il n'était pas l'objet d'une immense mystification. Mais la pensée du mort, qui était véritablement mort, lui fit chasser cette idée aussitôt conçue. Ayant regagné son cabinet, il attendit. Moins de 5 minutes plus tard, l'inspecteur Corfe arriva. C'était un homme de taille moyenne, doué d'une force herculéenne. Natif de Clermont-Ferrand, Jérôme Corfe possédait une énergie et une ténacité véritablement auvergnates. « Vous voilà, » fit Monsieur Serpier. « Vous auriez dû m'amener l'anglais. Je vous avais dit de ne pas le quitter. »« Ah, chef, il m'a glissé entre les mains. Comme nous sortions de la morgue, il s'est brusquement écrié « J'ai une idée !» et il a filé. Il faisait nuit et un brouillard épais régnait sur le quai. Mon homme a disparu presque instantanément. Dites qu'il a été plus fin que vous. Passons. Expliquez-moi par le menu ce qui s'est passé. Eh bien, chef, en sortant de l'hôtel, Joe et Blanquette a appelé un taxi. Il était 6h10 à l'horloge pneumatique. Arrivé au moment où l'anglais est sorti de la morgue et s'est dirigé vers notre taxi. Ah oui, ah, je peux dire qu'il m'en a bouché un coin. Je croyais bien qu'il ne se doutait de rien. C'est un type rudement fort, grommela Corfe, une rancune dans la voix.